Tout à l'heure, on parlait du besoin du support énergétique de ceux qui sont à la banque. Ah oui? Oui, je rafraîchis la mémoire. Puis aussi, on a parlé de la parole, que la parole peut être magique. Là, ce qui m'amène à parler de la sidatisation. Ah oui, c'est un bon rapprochement. Oui, mais les dangers de la sidatisation. Parce que les gens vont se dire, quand même que je dis telle chose, c'est pas grave. Mais il n'y a aucune parole qui est vaine. Effectivement, ils sont souvent en retard. Je n'ai pas compris. Ben, il n'y a aucune parole qui est vaine. Mm. Alors, je suis d'accord, ils sont en retard. Attends. C'est pour la réchauffer, mais... Oui, oui, ça. Je suis dans mon affaire. C'est ça, c'est... Bon, OK. Il n'y a aucune parole qui est vaine. La statisation, c'est dangereux. Oui, bien, c'est ça, mais parce que ce que je perçois, oui, ce que je perçois, c'est que les gens vont se dire, c'est quand même qu'on a placoté, là. C'est pas grave. Ils ont déblatéré, mettons, toute une soirée contre quelqu'un ou contre quelque chose, là. Puis là, ils s'en vont chez eux, puis ils disent, pas grave, mon avant. On va être intelligent demain, ou ça. Bon. Alors que, c'est pas de dire que c'est grave, mais ça a fait ça quelque chose. Ça a effectivement une incidence, mais, oui. De très, très, très peu prononcé à majeur. Puis qu'est-ce qui va faire que c'est plus prononcé? C'est que ça va être peu prononcé ou que ça va être majeur? Est-ce que c'est... La qualité de la parole de l'individu. Mais effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement important d'arriver, qu'on parle, sur lequel on peut... Ben, bref, c'est ça. Parole magique. Oui. On a souvent parlé de la citatisation, puis il y a des gens, quand on en reparle, qui citatisent contre nous autres parce qu'ils sont allés d'en entendre parler. Mais il y en a qui vont se dire, ben c'est ça, ils veulent plus qu'on pense. Mais ça, j'ai jamais voulu que l'homme pense. Oui, ça, c'est un fait. Mais ils veulent plus, dès qu'ils ont une critique, ils vont dire c'est de la citatisation. Il y a des mélanges qui se font entre un commentaire puis de la citatisation. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut parler effectivement, constructivement de quelque chose. Je vais faire des petits dessins ici encore, c'est intéressant. Il y a des personnes qui font ça de temps en temps, des êtres humains suffisamment intelligents, et qui se rapprochent, ça se rapproche du principe de la parole magique. Les individus sont capables de se servir de la parole comme une baguette magique. Ou lorsqu'il y a un problème astral quelque part, par exemple, vous avez quelqu'un qui est intelligent, et qui est en train de se faire manipuler ou de se faire posséder au maximum. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Puis là, il y a des individus intelligents qui sont ses amis et qui ont reçu l'autorisation de l'individu avant qu'il se fasse posséder. Une espèce d'entente qu'ils ont que si un jour me fait ramasser, bien écoutez, au moins, voyez-y. T'sais. Alors, les personnes se réunissent et les personnes vont parler de la connerie astrale, des entités qu'ils ramassent, de l'absurdité de faire ceci. Ils parlent ensemble, pas de l'individu, mais de ce qu'il ramasse. Et il règle son cas. À 100% des fois, l'énergie qui est cumulée par la synergisation favorable des individus qui parlent vient amener suffisamment d'énergie au niveau de la conscience de l'individu qui est manipulé, que ce qui est réglé ici, il le règle tout seul à peu près dans le même temps. Donc, si 3 jours après, un individu le rencontre, lui va lui dire, j'ai tout compris. Je me suis rendu compte que même je me faisais ramasser. Et finalement, il va tenir le discours qui a été tenu par les individus qui jasaient. Ce n'est pas de la sidatisation. Ce n'est pas de parler dans le dos de quelqu'un. C'est de parler à l'astral, de l'astral, pour régler le problème de quelqu'un. Puis ceux qui entendraient ce qui est dit et qui ne sont pas assez réchauffés, assez conscients, au niveau des mots qui sont prononcés, auraient l'impression que c'est de la sidatisation, oui. Ou bien qu'on parle donc dans le dos de quelqu'un. Maintenant, il y a des individus qui, eux, ne règlent pas le problème d'une entité manipulatrice ou de l'astral, mais qui, eux, sont convaincus que l'individu fait ça. Donc, ils perdent l'idée et la conscience que l'individu n'a pas de libre-arbitre, sont convaincus que cet individu-là a du libre-arbitre et que qu'il fait ça. Alors, eux vont sidatiser. On se rappelle que sidatisation, sida, sinistre individu dominé par l'astral, bon, c'est facile. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler contre un individu avec des mots péjoratifs où ils vont le démolir. des fois, c'est... Contre un individu, contre un événement, contre soi-même, contre des choses. Et ça, ce que ça fait simplement que vous nourrissez des particules astrales qui ont la capacité de venir tripoter la conscience d'un individu. Autrement dit, si vous dites que cette personne-là, c'est une maudite menteuse, et vous parlez aussi, c'est vrai, il faudrait cesser d'y faire confiance. Amen, comment respire? Là, on sidatise, on parle, on nourrit l'astral pour donner de l'énergie à l'astral, pour que l'astral fasse en sorte que la personne de laquelle on parle devienne encore plus menteuse. Autrement dit, le travail que les individus font, ils travaillent pour avoir raison, inconsciemment. Alors finalement, ils vont finir par, non seulement ils n'aident pas la personne à s'en sortir, mais en plus, ils vont l'enfoncer à coups de marteau dans la problématique qu'eux autres semblent détester. Ça, mais en plus, ça peut être fait d'une façon encore plus subtile, c'est-à-dire qu'au niveau des mots, il peut y avoir aucun mot. Ils sont très mentaux, les gens qui font ça, qui sidatisent, donc qui renfoncent la personne. Donc, au niveau des mots, ça peut sembler moins pire que qu'est-ce que les autres disent, alors que les autres parlent de l'entité. Oui, parce que c'est l'énergie qui est importante. Les mots, évidemment, l'énergie dans laquelle c'est prononcé et l'objectif même de la discussion. Si c'est inconscient, l'objectif est donc un objectif manipulé astral qui est nécessairement de détruire les forces, disons, ascensionnelles de l'autre. Et c'est extrêmement important parce que des gens qui travaillent contre des projets inconsciemment, des gens négatifs, des gens qui sont positivement contre, il y a des gens qui travaillent contre des individus, des gens qui travaillent contre à peu près toute forme de changement, d'ascension, de positiviste, pas positiviste dans le sens psychologique, mais de changement positif, de changement bénéfique. Il y a énormément de gens qui travaillent sans arrêt, tout au long de leur vie contre ça. Le pire, c'est qu'on travaille contre ses propres changements. Je dis souvent que vous faites juste vous faire couper les cheveux d'une façon différente, puis les gens avec qui vous travaillez sont tous là. Tabarnouche, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut ça de changement à faire paniquer un égo. Alors, imaginez-vous ce que c'est quand une soucoupe volante va arriver dans leur cours, là, ou qu'il va se passer un petit miracle quelque part. La majorité des individus, même ceux qui se conscientisent, consciemment non, mais inconsciemment, sont souvent en train de sidatiser. Contre eux, contre leur santé, contre leurs possibilités, donc ils rendent ça valorisant, donc c'est méritoire. Contre les autres, à peu près tout le temps. Puis c'est effectivement, c'est un... Vous savez, on peut parler longtemps de tous les problèmes qui empêchent l'humain d'avancer, et là on peut se dire, c'est compliqué en maudit d'arriver à s'en sortir. On peut parler moins longtemps des choses simples qu'il faut faire. Ça, c'est vrai que ça, c'en est une. Parce que ça revient à dire, c'est l'attitude. Oui. Tout est dans l'attitude. Par exemple, les premiers qui peuvent dire des choses qui semblent être sidatisantes, mais si dans leur attitude, ils veulent, c'est clair qu'ils ne veulent pas détruire la personne. C'est ça qui importe. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rejet, il y a de la compréhension, puis il y a le savoir pertinent que l'individu manipulé, dans le premier cas. Puis aussi, ne pas vouloir avoir raison. Non. Et dans le deuxième cas, eh bien, tu te valorises sur le dos de l'autre. Nous autres, on le sait. C'est inconscient. Mais l'humain peut vivre tellement, tellement simplement et tellement facilement en lâchant prise de toute une panoplie de phénomènes qui lui rapportent jamais rien, auxquels l'humain croit et auxquels l'humain s'attache sans arrêt. J'en ai déjà parlé, mais on pourra en parler en masse, mais ça ne me tente pas de faire une colère. Mais la sidatisation, c'est sûr que c'est une maladie grave chez l'humain. Ça fait partie ça, de l'obligation qu'a l'ego, c'est du manque d'intelligence, ça fait partie de l'obligation qu'a l'ego de se valoriser. Par exemple, un individu qui lâche la religion catholique parle contre la religion catholique. Il est obligé de se justifier. C'est ça. Un individu qui décide de lâcher sa femme parle contre sa femme. Mais premièrement, là, il faudrait discuter avoir raison. Pourquoi c'est si important d'avoir raison? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas besoin. Bon, mais ce serait la première fois. Tu as besoin d'avoir raison. Mais non, moi, je parle au nom de... Ah, OK. On est parfaits tous les deux. Bon, qui va avoir toujours raison aussi, là? Ah, et personne, parce que là, il va avoir raison, tu sais. Là, l'idée, c'est de ne pas vouloir avoir raison, si on veut avoir raison, là, actuellement. Non, mais Simon, veux-tu toujours avoir raison? Bon, toi, il dit oui, lui. Bon, merci, Simon. T'es gentil. Parce bon, il y en a un, là, qui veut toujours avoir raison. Ça, c'est une forme... C'est à la base même de la sidatisation. Surtout dans son cas. Il y a toujours tort. Ben là, C'est vrai, là, sinon? Il va avoir raison. Avoir raison, c'est... c'est solidifier la reconnaissance de notre valeur à partir de rien. Mais c'est justement... Mais c'est quand même ça. L'humain ne s'aime pas. L'humain veut s'aimer. Puis l'humain, pour arriver à s'aimer le moindrement un petit peu, il doit absolument solidifier la reconnaissance de sa valeur, de ce qu'il est, dans le vide, là. Donc, il a besoin d'avoir raison. Il y a du monde, moi, qui me disait à un moment donné, « Écoute, je le sais que c'est pas ça, mais n'empêche, ça va être ça. Et t'auras pas raison. » OK, bon, s'ils n'ont pas raison... C'est bien simple, là. C'est même pas une question de savoir si c'est bleu ou si c'est rouge. T'auras pas raison. Ah, c'est ça. Si lui n'a pas raison, toi non plus. Ah, même pas. La personne, elle avait raison. Même si elle savait au départ que c'était pas ça, elle avait raison. Uniquement parce que moi, j'avais tellement raison souvent que là, j'aurais pas raison. C'était simple, c'était clair. Ce coup-là, t'auras pas raison. Puis ça, il y en a plusieurs ici qui vivent ça ou qui ont vécu ça. Mais là, on parle de... Puis ça, je l'ai vécu. Mais là, on parle, on va dire, c'est comme du monde qui sont extrémistes. Mais là, c'est réel. Il y a des gens extrémistes réels comme ça qui, de par principe, t'auras pas raison. Longtemps, il y a encore des femelles qui sont comme ça aujourd'hui. Quand un homme amène de quoi, c'est un mâle, il n'aura pas raison. Et il y a des mâles, évidemment, qui vont faire la même chose. Si ça vient d'une femme, c'est non. Puis il y a beaucoup d'adultes qui font la même chose. Si ça vient d'un enfant, c'est non. Puis il y en a qui vont faire ça avec les autres races. Exactement. Puis il y a des jeunes qui vont faire ça avec les adultes. Si c'est un adulte qui amène quelque chose, nécessairement, c'est con. Bon, il n'aura pas raison. Et il n'est même pas question de logique là-dedans. C'est que la personne, elle doit se valoriser. Puis ça fait partie des principes même de l'éducation religieuse, sociale, morale, etc., où continuellement, on dévalorise sans arrêt l'individu. L'école, c'est l'antre le plus parfait pour anéantir l'amour propre d'un être humain. L'école, jusqu'à le travail, souvent, va être la continuité du milieu scolaire pour anéantir la valorisation de l'humain. Ah, donc, ça viendrait de là. Parce qu'avoir senti qu'on avait tort si souvent, pour arriver à s'aimer, il faut à un moment donné avoir raison. Ben oui, pour la simple raison que le professeur, entre autres, la société aime ceux qui ont raison. Tout à l'heure, on parlait de l'individu qui va prendre votre argent, le mettre à la bourse, puis il y a un crack. Donc, il s'est trompé. Tout le monde l'haït, c'est un principe. On l'haït tout. Ah, on le savait, on l'a fait. Ah oui, mais de toute façon, c'est de sa faute. Oui, mais de toute façon, ceux qui ont raison, ça tombe ses nerfs aussi. Oui, ça tombe ses nerfs de certains égaux qui ont tort. Donc, ça revient à la même chose, c'est que socialement, on aime ceux qui ont raison. Donc, socialement, tu vas aimer ceux qui ont raison. Bon. Si, par contre, tu es en tête-à-tête, les guerres d'égo. Moi, quand je rencontre des pédagogues, des psychologues, pas des pédagogues, ça, je n'en rencontre pas souvent, des enseignants, des enseignantes, des directeurs, directrices, des psychologues, quand je rencontre des gens comme ça, quand ils sont en groupe, j'ai raison. Quand je les rencontre en individuel, souvent, là, ils veulent s'obstiner. Pourquoi? Parce que socialement, ils vont m'accréditer. Ce que je dis a de l'allure. Mais quand on les rencontre en individuel, là, eux, puis ça, l'enseignant et l'enseignante doivent avoir raison. Ils sont dévalorisés, ils sont défaits, ils sont dissous en dedans. Et face à la jeunesse, ils doivent avoir raison. Face aux parents, ils doivent avoir raison. Alors, si moi je leur dis que telle chose, c'est facile, on peut appliquer ça comme ça, ça paraît que ça fait longtemps que vous n'avez pas enseigné. Ça n'a rien à voir. Bon, moi, j'ai eu des jeunes qui étaient reconnus enfants problèmes dans l'école, des hyperactifs, des monstres, des dangereux. Moi, je les trouvais doux, adorables. Je les aurais adoptés sans problème. Puis, c'est parce que... Bon, ils doivent avoir raison. C'est un principe. Pourquoi? Parce que l'être humain, puis dans ce domaine-là, on l'a souvent. Pourquoi? Parce que avec les jeunes, si tu ne l'as pas, si tu n'es pas vivant avec des jeunes, tu manques ton coup sans arrêt. Ça, faut pas que tu sois dans avoir raison. Bon. Si ton jeune, là, il y a des mauvaises notes, tu es supposé l'enseigner. Puis comme inconsciemment, tu pars avec l'idée qu'ils sont tous égaux dès le départ, si l'enfant réussit mal, c'est de ta faute. Donc, en partant, tu te détruis. Mais là, tu bûches sur le jeune, tu vas téléporter la faute sur son dos. C'est à lui de travailler plus, là. puis lui, tu le détruis en même temps. Inconsciemment, dans ce domaine-là, on a, puis ça, on l'a partout sur la planète Terre, ah, oui. Là, on s'est valorisé dans certains domaines. C'est valorisé la dévalorisation. Et l'individu doit avoir raison uniquement parce que, socialement, on aime ceux qui ne se trompent pas, on aime ceux qui ont raison. Pour t'aimer, il faut que tu aies raison. Même si ça n'a aucun sens. L'eau, là, elle est bleue. Tu me dis, non, elle est transparente. Mais tu n'auras pas raison. Même si je me rends compte tout à coup qu'elle est transparente. Et je n'ai rien à foutre, tu n'auras pas raison, c'est bleu. Puis moi, quand je m'en vais, elle l'a eu. Elle ne m'a pas eu. Tu n'as rien à faire, faut le savoir. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça qui crée l'impression de jeune. Tu sais, souvent, il y en a qui. Il faut que je me batte, il faut que dans la vie, il faut se faire une place. Oui, mais c'est parce qu'encore, tu vas avoir raison. C'est ça. C'est, mais c'est fort. C'est extrêmement fort. On n'en a rien à foutre d'avoir raison. Moi, je dis souvent à du monde, même souvent en conférence régulière, quand quelqu'un vient t'obstiner, donne-lui donc raison. Puis le pire, c'est qu'évidemment, il faut que tu fasses ça délicatement. Parce que là, il va revirer ça. Parce que, mon du chien, tu conduis bien mal. C'est vrai. On veut que tu penses à me niaiser. Lui, ça t'endait, si tu gueules. Bon. Alors, faut que tu fasses délicat. Mais non, je conduis bien, tu conduis mal. Mais là, remarque, tu me le fais remarquer. Peut-être, il faudrait que je... Tu sais, il y a moyen, là. Tu sais, bon, si le gars est plus fort que plus gros que toi, tu sais, ça vaut la peine. Question d'économie d'énergie. Système de santé, il y a déjà des déficits. Mais c'est ça, mais il y en a qui vont dire, moi quand je suis, bon, ensemble, une gang d'intelligents, ça va, on se donne pas raison, ça va, mais si je m'en retourne dans le monde, de l'air du poisson, puis que je commence à faire ça, je vais me retrouver dans le fin fond du fin fond. Non, c'est pas vrai, ça c'est ton idée à toi, parce que tu vas encore avoir raison. Tu vas être remarqué par les, en tout cas par les autres. C'est quel est le, bon, prenez ceci. Si vous rentrez dans un zoo, puis tous les singes vous trouvent beaux pis belles, ça vous valorise-tu bien gros? C'est exactement ça. Toi, tu pars de l'ère nouvelle, tu arrives dans l'ère ancienne, t'aimerais que les autochtones te remarquent. Non, mais c'est l'idée dans que... Dans ça, je ne vous rien. Moi, quand je rentre dans un zoo, là, j'ai pas l'impression que les guenons sont tous là. Les barreaux. Mais je me dis pas, crime, les guenons me courent pas après. Maudit, je vaux pas grand-chose. Même les guenons me courent pas après. Non, mais il y en a qui vont dire, j'aurai pas de promotion, j'aurai pas de... C'est tout faux, ça. J'avancerai pas. Ben, c'est tout faux, ça. Si tu penses qu'en t'engueulant avec ton patron sans arrêt, tu avances plus. Puis la promotion, c'est tellement pas vrai. Si tu es centré dans ton intelligence, tu ne te battras pas avec le guenon et le singe pour avoir raison. Puis il y aura nécessairement, tu vas lentement transiter vers l'apothéose, puis nécessairement, tu vas finir par te ramasser exactement là où il y a du monde intelligent, qui sont patrons, qui sont patronnes, qui ont besoin d'employés intelligents ou qui ont besoin de patrons intelligents. Mais tu n'auras pas dirigé ta vie, tu n'auras pas géré ta vie, tu n'auras rien fait. Mais ça va y aller. C'est sûr que s'il faut t'aies raison, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à avoir une belle vie? Rien. Cesse de faire, applique, soi. Oui, et ça, l'humain ne comprend pas l'idée. Avoir raison, tu rentres dans la société, puis quelqu'un te dit t'es bien laide, puis toi, tu t'en as rien à foutre. Ou encore, la personne va dire, écoute, tu marches trop vite, bon, ben, tu vas vivre ta vie. Que tu marches vite, ça ne veut pas dire que tu es l'esclave de l'autre, mais tu ne te défends pas pour avoir raison. À un moment donné, moi, j'ai fait une émission de télévision. Celle-là, je t'ai invité. On devait inviter des jeunes décrocheurs, un directeur d'école, etc., puis un psychologue. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est que, avec ce que moi j'amène, de toute façon, dans les milieux scolaires, ils sont prêts à n'importe quel genre de changement, à la condition qu'on ne change rien. Bon. Alors, moi, je m'attends, en arrivant là, à ce qu'ils aient fait venir un directeur d'école qui, lui, a donné 3-4 becs, puis il a valorisé l'école. Puis là, les jeunes qui vont faire venir des décrocheurs sont dans l'astral, mais les bons. Fait que je me dis, si je vais là, moi, je vais avoir tout le monde contre moi. Si je veux avoir raison, j'ai un problème d'ego. Puis en dedans, c'est extrêmement clair. Ben, moi, dire ce que j'ai à dire, puis si ils sont contre moi, ben, je les enverrai promener, ça finira là. Je n'ai pas besoin d'avoir raison. Mais là, c'est ça, il y en a qui vont dire, c'est les envoyer promener, c'est de vouloir avoir raison. Non, moi, je me sois là simplement, puis je vais dire, par exemple, l'école, là, les jeunes décrochent parce que l'école est plate. Mettons que les jeunes qui seraient là, puis le directeur, disent, c'est pas vrai, c'est parce que les jeunes ne travaillent pas assez, puis ils ne se motivent pas assez. Là, on va leur dire, dans un contexte intéressant, ils n'ont pas besoin de se motiver. Puis c'est tout. Si finalement son conjoint m'a dit, écoutez, vous autres, là, vous êtes trois qui pensez ça, vous avez de toute façon tort en ce qui me concerne, puis c'est fini là, puis moi, j'ai plus rien à dire d'autre. Une chose certaine, c'est que le monde comme vous autres, ça pense de même, il me plaint, ça a toujours pensé comme ça, ça décroche de plus en plus. Puis là, moi, je suis là pour expliquer des choses. Mais égoïquement, je veux dire, oui, mais gars, on dirait qu'il va avoir raison. Vu qu'égoïquement, je ne veux pas avoir raison, ils peuvent dire n'importe quoi, je n'en souffre pas. Puis quand je vais sortir de là, j'aurai pas l'impression d'avoir gagné, mais j'aurai surtout pas l'impression d'avoir perdu. Je me remettrai pas en question. Je me dirai pas, peut-être, il faudrait pas que je passe à la télévision. Peut-être, il faudrait que je sélectionne les gens que je vais rencontrer. Là, je voudrais avoir raison. Je peux être là, c'est comme si je ne voudrais plus de confrontation. C'est pas, ouais. Mais moi, je m'en fous. Je sais que j'ai raison là. Puis à un moment donné, je rencontre d'autres personnes qui amènent des arguments là, puis je me dis, brillant, c'est brillant, brillant, brillant. Mais ça rejoint ce que je dis parce que je n'ai pas tort. Mais pas parce que je veux avoir raison, je sais que j'ai pas tort. Mais je n'ai pas besoin, égoïquement, je suis libéré d'avoir raison, ce qui fait que je n'ai pas peur des confrontations. Donc toi, tu dirais, oui, mais faut-tu te battre sans arrêt? Puis moi, je te réponds, non, je me bats pas. Les rideaux sont à moitié tirés. Non, ils sont tirés au complet. Mais moi, je les vois à moitié tirés, ça finit là. C'est tout. Je me bats pas. J'ai pas besoin, je me bats pas. Parce que c'est ça. Souvent, les humains vont voir soit un, soit l'autre, soit gagner ou perdre. Puis moi, je m'en fous. Soit heureux ou être malheureux. De toute façon, je ne peux pas gagner dans le domaine de l'éducation avant les 10 prochaines années. Mais je ne peux pas gagner. Je ne peux pas perdre non plus. C'est eux autres qui perdent. Pour moi, écoute bien, les écoles perdent leurs profs puis leurs élèves. C'est eux autres qui perdent, pas moi. Je n'ai rien à faire. Je fais des conférences, je parle, puis c'est des domaines assez... assez. Je m'en fous. Tu sais, vous, la société, elle se fout des jeunes. Mais je le dis clairement. Puis là, ça proteste énormément. Puis en 30 secondes, ils me prouvent tout qu'ils se foutent des jeunes. Ça... Ben, j'ai pas besoin de gagner. Qu'ils le voient, qu'ils le voient pas, je m'en fous. De temps en temps, il y a une intelligente, un intelligent qui sort du lot là-bas, puis on se rend compte. Il faut que l'humain comprenne qu'il n'y a pas besoin d'avoir raison. Ça mène nulle part, nulle part, nulle part, rien, rien, rien, rien. Mais ça ne veut pas dire que tu t'écrases, que tu te plies. Ça veut simplement dire que reste à toi. Tu peux dire à quelqu'un, c'est pas correct ce que tu fais, puis c'est pas parce que tu vas avoir raison. Puis tu peux avoir raison. C'est ça, c'est pas la recherche d'avoir raison, mais on peut avoir raison. Il y a une nuance importante. Absolument. Ça ne veut pas dire que tu fermes ta grande boîte. Tu as fait des émissions de radio à un moment donné. Il y a du monde qui peut t'appeler pour t'obstiner. Comme par exemple, l'épuisement scolaire. Tu as écrit un livre là-dessus. L'épuisement scolaire. Depuis quand un jeune est épuisé à l'école? Voyons donc. Quand on allait à l'école, on n'était pas épuisé. Voyons donc, ils sont épuisés. Mais c'est ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ah, mais Christy, oui, ils sont épuisés. Okay, mais regardez-les. Allez voir. Puis le monde, ils vont t'obstiner. Tu as raison quand même. Fait que toi, tu ne dis pas là, ah. En tout cas, moi, je le sais. c'est pas comme ça. Là, tu continues tes arguments. Ce travail rendu au cégep à l'université, c'est des nuits complètes, des nuits blanches pour étudier. Ils sont épuisés, ils sont en burn-out, ils continuent, ils se droguent, ils prennent de la boisson, ils capotent. T'as raison. Ça, il y a une différence entre être centré puis avoir raison. C'est toute la nuance est là. Exact. Moi, je suis centré, je ne veux pas avoir raison. J'ai raison, et je n'ai pas raison pour tout le monde. Un professeur me dit, écoute-moi là, trois, quatre claques derrière les oreilles, puis ma gang, elle décroche pas, puis ils apprennent, puis j'ai des bonnes notes. Mais moi, je réponds, écoute, j'ai rien contre. Continue à claquer les oreilles. Moi, j'ai rien contre. Moi là, je dis aux profs qui claquent les oreilles des jeunes, puis que les jeunes décrochent, de plus leur claquer les oreilles. Mais je dis pas aux profs qui le claquent les oreilles et les jeunes raccrochent d'arrêter. Moi, je dis à ceux chez qui ça marche pas, faites-le plus. C'est ça, mon discours. Et toi, tu le bottes les fesses, puis ils sont tous heureux. Qu'est-ce qu'ils continuent à botter leurs fesses? Je n'ai rien à faire. Tu sais, j'ai pas raison pour tout le monde. Ce que je dis simplement, c'est que toi, ce que tu fais, fais-le plus, c'est pas bon. Mais moi, je suis sévère, ça marche. J'ai rien contre. Parce que toi, tu es dans ta vie quand tu es sévère. L'autre, il essaie de te copier quand il est sévère. Lui, il rentre là, puis il essaie de jouer au sévère. Puis le monde, les jeunes, ils rient de lui. Ben oui. Bon, mais c'est sûr, moi, je te dis, cesse d'être sévère. Toi, t'es un clown. Clown dans la classe. Rentre, danse, amuse-toi. Toi, t'es un chanteur. Chante tes mathématiques. En plus, oh. Chante! La gang avait embarqué. Toi, t'es un sévère, sois sévère. Je leur ai dit, il n'y a pas de méthode. Faut que l'individu soit lui. Toutes les méthodes sont bonnes. Quand t'as la tienne. J'ai pas raison pour tout le monde. Mais dans l'absolu, j'ai raison, je suis pas tard. C'est donc, dans la sidatisation à la base, c'est chercher ce qu'on peut appeler une faiblesse d'ego, c'est-à-dire le fait de vouloir avoir raison. Mais il y a aussi des entités qui sont directement intéressées à ce que les gens sidatisent. Bien, c'est évident. Toute l'astral est intéressée à ce que les gens sidatisent, parce qu'en sidatisant, tu nourris l'astral, puis en sidatisant, tu empêches l'humain de s'émanciper puis de rejoindre le plan mental. La sidatisation, c'est un travail de l'humain contre l'humain. C'est une des grandes forces de l'astral, s'arranger pour que l'humain travaille en allié avec l'astral, sans arrêt. Alors, juste, par exemple, tu fais une connerie, mettons, t'es manipulé à faire des niaiseries. Bon, moi, je t'en parle. Si tu essaies de te justifier, tu défends l'astral. Bon, les forces de l'astral, c'est ça. Vu que tu ne comprends pas que tu es manipulé, vu que tu restes dans l'impression du libre-arbitre, tu vas défendre l'astral. C'est un allié de l'astral contre toi. En plus, tu vas synthétiser contre moi ou contre d'autres personnes, bien là, tu viens renforcer l'astral contre l'humain. Quand le Nazaréen disait de cesser de juger, juger, là, c'est pas de je juge que tu peux, je juge que tu peux pas, c'est pas ça. Le terme, c'est un terme araméen, traduit. Mais c'est cesser de synthétiser, cesser d'écœurer le monde. Mais quand, en regardant ça comme ça, oui, en regardant ça comme ça, la gang est petite contre une grosse gang. Tu sais, les deux armées. Non, la gang n'est pas petite contre une grosse gang. Tu sais, ceux qui sidatisent puis qui s'allient avec l'astral. À l'instant où toi, tu vas totalement et purement cesser de sidatiser, sache une chose, c'est que tous ceux qui vont sidatiser pourront plus te toucher. Ça veut dire autant sidatiser contre les autres que contre moi. Oui. Parce que souvent, ce qui va rester, c'est... L'être qui est suffisamment transparent et détaché du karma. Il est détaché de l'astral. Autrement dit, l'être qui est totalement transparent ne croit plus dans l'astral. Tu crois encore à l'astral, toi? Bon, mentalement, non, mais là, le pied se met à promener. Si, j'ai qu'en parler, si, le pied se met à danser. Si, ben oui, si je me médiacrise, je crois à l'astral. Exactement. C'est pas croire, tu sais, mais si tu crois à l'astral, on parle subtilement, mais fondamentalement. Alors, l'être qui croit à l'astral, c'est un être qui va être accrochable par la magie. Pas quelqu'un qui mentalement dit « Ah, moi, je crois plus à ça, la magie, fait que ça me touche plus. » Il croit à ça en maudit. Dans son dialogue mental, il dit qu'il n'y croit plus. Mais il est encore extrêmement ramassé par l'astral. D'autant plus que souvent, il va couper, pour être tellement sûr qu'il ne croit pas, il va couper le lien avec l'astral, mais je veux dire couper chez lui, là, mais il ne sera juste pas au courant de ce qui se passe. Exactement. C'est extrêmement bien fait, c'est bien dit. C'est ça. Il coupe, donc il ne peut plus se rendre compte qu'il est charrié, donc il pense qu'il n'est plus charrié. Mais il est doublement charrié. Alors, l'individu qui est pur, l'être nouveau qui est pur, qui est transparent avec lui-même, n'est plus assujetti karmiquement. Ça veut dire que tout ce qui fait partie des processus de l'astral ne le touche plus. Donc, tu n'es pas une petite gang contre une grosse gang. C'est pas vrai. Moi, ce que je dis simplement, c'est que l'être conscientisé qui sidatise travaille contre lui. Pourquoi? Parce que plus il y a d'individus conscientisés qui vont passer, plus il y a d'individus conscientisés qui vont pouvoir passer. Donc, quand un individu travaille contre l'homme, puis même si vous sidatisez contre quelqu'un qui n'est pas conscientisé, vous nourrissez l'astral à même vos propres énergies. Il faut intelligencer, ça c'est correct. Il faut démolir, il faut instruire l'astral des stupidités. Par exemple, maudit que c'est niaiseux, c'est stupide. Tu prends des termes astral pour reprogrammer l'astral, parce qu'on peut se créer des alliés dans l'astral. C'est stupide que cette personne-là ne s'en rende pas compte. C'est dommage qu'elle ne se rende pas compte comment qu'un charrier. Là, on parle. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que là, on est en train d'instruire son ajusteur de pensée de comment procéder dans son astral pour l'informer qu'elle est manipulée. Là, tu dis on se fait un allié dans l'astral à ce moment-là. Oui, on crée des alliés dans l'astral. Mais on crée des... Il y a en masse d'égrégores mentales dans l'astral, d'égrégores supramentales dans l'astral, puis d'égrégores... d'entité moronciel dans l'astral. C'est-à-dire qu'ils nous servent. Qui nous servent. Des tipettes, comme dit Jacques. Des tipettes dans l'astral, des tipettes qui travaillent pour nous autres. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est comme la personne est manipulée, par exemple, à boire, elle recommence à boire, bien sûr qu'elle a raison. Puis là, on est tout un groupe, puis on discute, puis tu sais, c'est premièrement, un être intelligent ne boit pas. Fait comment ça se fait qu'elle ne s'en rend pas compte? Bon, là, on parle, puis l'ajusteur de pensée, là, OK, c'est ça, il faut qu'elle se rende compte. L'ajusteur, il décode, lui, là. Son ajusteur. On n'a pas besoin de dire, hey, son ajusteur, il faut que tu lui dises. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on doit simplement parler en tant qu'être pur. Fait, c'est niaiseux. Non seulement elle souffre, elle fait souffrir sa famille, son entourage, là, elle est en train de perdre ce qu'elle a. Quelque part dans sa tête, là, elle est en train de perdre ce qu'elle a. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a. Là, l'intelligence qui est en dedans, tu sais, c'est Christi, c'est du contre l'intelligence qui ne peut pas se réveiller. Et là, nous, on en parle. Là, on ne statise pas, mais on fait le processus d'en haut. Ce n'est pas de la statisation. Puis la personne, progressivement, se réveille. Elle se rend compte qu'effectivement, merde, il ne faut pas que je boive. Puis elle s'en rend compte. Mais grâce à l'énergie que les gens ont donnée une journée, deux jours, trois jours avant. Des fois même, c'est quelques heures avant. Mais là, c'est un travail dans l'astral, fait par des êtres intelligents pour aider quelqu'un d'intelligent. Tandis que, ben oui, que tu es encore de même, je pensais qu'elle avait compris, mais elle comprend strictement rien. Là, ça, c'est des... Elle refroidit, t'es épaisse, c'est niaiseuse. Là, tu sidatises, tu l'aides pas. T'es épaisse, c'est niaiseuse, tu l'enterres. Mais quelqu'un qui est, tu sais, qui n'a pas une bonne forme physique, qui n'a pas une bonne alimentation, qui est astralement un peu tout croche, qui... Mais bon, qui... Seigneur, non, mais qui... Ça existe tu. Ah oui, oui, c'est précaire, oui. Alors, qui mentalise beaucoup et qui a une bonne attitude. Est-ce que c'est à partir du moment où il devient correct, tu sais, je dis pas qu'il a toujours été correct, mais à partir du moment où il devient correct, que là, il s'attire ses alliés? Ou il faut quand même qu'il se remette en forme, une certaine forme physique, une certaine santé. Non, l'attitude va aider, mais quand il va commencer effectivement à s'attirer des alliés du moment que son attitude, du moment que l'intelligence commence à réellement cohabiter avec lui. Sauf que, nécessairement, il va être forcé à refaire du conditionnement physique. Consciemment ou inconsciemment, en majorité inconsciemment, à vous, quand vous aviez 12 ans. Là, vous dites, mange pas ces cochonneries-là, c'est mauvais pour la santé. Mais là, vous, quand vous allez avoir 12 ans, là, c'est pas long, vous allez remonter le chemin inconsciemment. Vous allez venir vous voir à l'âge de 55 ans, là, plus ou moins obèse. Puis là, vous allez venir vous faire vous dire, hey, écoute le gros cordon un peu, là. Là, vous allez dire, hey, je peux vous courir, moi, là, pas l'âge que je suis là. Vous allez voir. Puis là, ce qui va arriver, c'est que vous, quand vous allez aller vous parler, bien l'autre là-bas, là, il ne vous écoutera pas. Il va avoir comme un mensonge à ce que vous dites. Il va manquer de réalité. Ah, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut appliquer tout de suite pour mais se donner de la crédibilité. Mais le jeune qui vient de jaser, il a autant de raison, lui, que toi, quand tu vas lui parler. Ça revient à l'autorité de l'exemple. Oui. Puis quand je parle de parler, quand dans notre tête, il y a des choses qui sont compliquées. Ça fait partie, ça, de la pluridimensionnalité. La majorité de l'intelligence instrumentale qui vient vous parler, c'est vous autres qui provenez de l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sait qu'on devrait le faire, bien, c'est nous autres qui partons de l'avenir puis qui venons nous instruire quelque part dans notre dos. Puis nous, quand on n'est pas assez réchauffé, on entend puis on n'entend pas. On sait qu'on ne devrait pas, mais c'est plus fort que nous autres. Bien, l'astral est plus fort. Puis on le fait. Puis quand on dit « j'aurais donc dû m'écouter », bien c'est ça, c'est vrai, mais m'écouter, c'est « j'aurais dû m'écouter moi, le gars de l'avenir, qui vient me parler ». C'est inconsciemment, l'humain, c'est pas l'humain, il dit « j'aurais donc dû m'écouter ». Mais c'est plus vrai que plus vrai, là. Puis c'est la même chose quand on va jaser que le passé. On ne peut pas... Comment peux-tu, toi, aller dire à toi, quand tu es jeune, de ne pas faire des conneries alors que tu en fais d'autres aussi graves aujourd'hui? Mais comme on peut faire comme celui qui fume. Tu vois-tu que Bibigoudi, toi, là, ta cigarette à la bouche, ton deuil dans la main, puis là, dire à ta bière, plutôt, puis dire à ta fille, là, « Voyons, là, voilà, dehors, un petit peu, là, c'est bon la santé! » Non, ça marche pas. Si elle est moindrement intelligente, elle va tout sortir dehors, elle. Non, c'est ça. Mais si t'es bien honnête, puis tu dis, « Moi, je suis pogné, là. Je fume, je suis pogné à fumer. » Ouais, mais ton enfant va dire quoi? Il va dire, « Écoute, pogné, pas pogné, là, viens dehors quand même. » OK, oui, là, il faut que j'aille dehors. Elle a raison. Mais c'est ça, mais elle ne commencera pas à fumer. Mais faut pas. Non, je comprends. Mais ce qui va arriver, c'est que si toi, tu veux la corriger, elle va nécessairement te corriger. Ça, faut pas refuser ça. Si tu décides que c'est pas pareil, ça ne la regarde pas, ben ça ne marchera pas. Elle a montré que l'enfant est intelligent. Puis si vous êtes capable d'aller vous jaser, c'est que vous êtes brillant. Fait qu'en partant, l'humain doit... C'est tellement vrai qu'on vit toutes nos vies en même temps. L'irréversibilité des choses est une illusion. Mais l'humain a peut-être difficulté à aller se tremper parce que l'humain reste pris avec la vision instantanée d'un élastique temporel. Il a l'impression que le passé, c'est là-bas, puis que c'est un déplacement irréversible à travers une mécanique qu'il appelle le temps. Alors que les choses ont déjà changé. C'est évident que les choses changent immédiatement. Vous ne pouvez pas vous rappeler du passé si le passé n'existe pas dans le présent. Il faut vous en rappeler maintenant du passé. Le passé est là maintenant. Maintenant, l'humain n'a pas la conscience biologique, la conscience temporelle, la conscience gravifique, pour avoir la capacité de se rendre compte qu'il est dans le temps. Bon, moi je l'ai. Il y en a quelques-uns qui commencent à réincarner de l'avenir, à réincarner du passé, ça fait longtemps qu'on en parle. Pourquoi dans le passé, tous ceux qui ont parlé de la réincarnation, évidemment, ils n'en ont pas parlé comme moi parce qu'ils n'avaient pas les mêmes sources d'informations, mais quand même, partout quand on parle de réincarnation, on parle de réincarner des mémoires du passé. Oui, c'est ça. Pourquoi? Bon. Puis pourquoi ils ne parlent pas de réincarner des mémoires de l'avenir? Mais elles semblent moins présentes chez la majorité des... Non, mais les gens, quand ils en parlent, là, les spécialistes, oui. je suis le premier sur la planète à parler de réincarner l'avenir. Mais c'est le temps, c'est un même phénomène. Puis quand on parle de réincarner, on parle donc d'être en contact au niveau des valeurs émotives, des valeurs énergétiques plutôt. Pourquoi l'homme n'a pas pu en parler? Pour la simple raison qu'à travers le temps, parce que l'idée qu'on a de la réincarnation, c'est quelque chose qui nous est légué à travers l'expérience temporelle, c'est que plus le corps physique est dense, moins il y a accès à l'avenir. Aujourd'hui, là, vous avez des corps physiques, surtout les plus jeunes, tous vous autres, je parle de l'humanité, les plus jeunes ont plus de chance que la majorité des adultes, sauf chez les êtres qui se conscientisent où c'est relativement homogène, c'est pas une question d'âge, mais vous avez des corps physiques capables, maintenant, de réincarner des mémoires de l'avenir. Donc, c'est facile, moi, je réincarne de l'avenir, je viens carrément de l'avenir, je réincarne plus d'avenir que de passé. C'est facile pour moi d'arriver et de commencer à en parler. Alors que tous ceux qui sont passés avant ont des corps physiques incapables, trop denses pour réincarner la perfection de l'avenir. Donc, eux ne réincarnent dans leur conscience que du passé. Pourtant, l'avenir est autant là que le passé. Bien, c'est la même chose. Le temps est une quantité d'espace. Simplement. On voyage dans l'espace, on voyage dans le temps. Mais il n'y a pas... Parce qu'on parle de tout ça pour se donner, pour instruire dans l'astral, mais il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas à rechercher. Pas dans le sens où tu poses la question-là, non. Non, mais c'est parce que souvent, en tout cas, j'en connais plusieurs à qui j'ai enseigné tout ça, qu'il va y avoir le stress de l'évolution. Oui. Le stress, il y en a qui ont le snobisme, mais il y a aussi le stress de manquer le bateau. L'humain ne peut pas manquer le bateau. Il y aura toujours des aubaines. Celui qui niaise pas ne sera jamais en retard. Puis quand je parle niaiser, vous, par exemple, vous dites, je vais faire un peu de conditionnement physique. Puis là vous faites charia, là, ça veut pas. Puis là, il me semble qu'il fait trop froid, il fait trop froid, il me semble qu'il pleut trop, il pleut pas assez. Il me semble. Là, vous êtes charrié. Mais là, vous ne niaisez pas. Vous niaisez pas, là. Donc, vous ne serez pas en retard. Parce que vous essayez, vous êtes en train de faire le travail. Vous allez arriver à temps. Mais vous devez faire le travail. Mais il y a autre chose aussi, c'est que les gens n'ont pas tous la même fonction, puis ils ne sont pas tous nécessairement appelés à comprendre, à saisir les choses comme toi. Non, c'est évident, mais n'empêche que les gens doivent avoir un corps physique en santé et en force. Oui, ça c'est vrai. C'est parce qu'il y en a qui ont leur but, c'est tant qu'ils ne seront pas comme Daniel Kemp ou tant qu'ils ne seront pas comme mais tel. Mais ça, c'est évident que c'est une illusion majeure parce que les individus vont être ce qu'ils sont eux, puis ça finit là. Daniel Kim, c'est pas, c'est un exemple, mais c'est pas l'affaire. Mais c'est chacun sa fonction aussi. C'est évident. Sauf que, ça c'est une chose qui est vachement importante, mais c'est, quand j'en parle pas souvent, même que j'en parle jamais, c'est que ça, les gens spiritualisent trop ce genre d'informations-là. À 55 ans, vous commencez à entretenir votre corps physique, le prochain corps que vous allez avoir va être un corps en parfaite santé. Parce que vous êtes dans l'énergie d'entretenir le corps. À 55 ans, vous laissez votre corps aller, votre prochain corps va être un corps probablement famélique, malade. Même si vous étiez un athlète. Oui, pourquoi? Parce que de toute façon, tant qu'à ne pas entretenir le corps, vous n'en aurez probablement pas un en santé, ça vaut pas la peine. Sans ça, on va vous donner de quoi être parfait, puis vous allez le laisser s'en aller. Les gens disent, non, si j'avais un corps jeune aujourd'hui, là, je l'entretiendrais. Mais savez-vous que vous avez encore un corps jeune? Parce que quand vous vous regardez, là, à 48 ans, ouais, à 48 ans, mais la personne qui a 65 ans qui vous regarde, elle apprendrait votre corps. Mais si elle avait un corps de 48 ans, et la personne qui a 85 ans qui vous regarde à 65 ans, mais si elle avait un corps comme le vôtre, là, elle commencerait à l'entretenir tout de suite. Alors, on a un corps jeune. Sauf que nous, on compare là, puis en montant en âge, à 25 ans, vous regardiez les jeunes de 16-14 ans, puis vous vous disiez, si j'avais un corps comme ça, à 30 ans, vous regardiez les jeunes de 25 ans, puis vous vous disiez, puis à 40 ans, vous regardiez les jeunes de 30 ans, puis vous vous dites, à un moment donné, on a un corps jeune. N'attendez pas de... On a un corps jeune. Il est moins jeune. C'est pas une question du nombre de rides, du temps que ça prend à parcourir le kilomètre. À pied, chemin, pas en auto, là, il y a un pied. Je dis ça pour certains, là. C'est une question d'attitude. Êtes-vous un être qui entretient, qui améliore, ou un être qui vous laisse aller. Surtout que la neutralité, ça existe. Dans l'entropie planétaire. On peut pas être neutre, dire. Non. Vous vous laissez aller dans l'entropie, vous vous laissez aller à travers le repos éternel, la stagnation perpétuelle, l'harmonie parfaite. Il n'y a plus rien qui se passe, ça c'est par équilibré au maximum, là. Ou bien vous êtes des êtres qui entretenaient et qui amélioraient. Quel que soit le point de départ. Un exemple. Nous nous retrouvons tous dans la cité Soleil, la cité, mais dans la dombe de Guatemala, Ciudad de Guatemala. La cité Lumière, cité Soleil. Ah, c'est une dombe? Oui, bien, tous les camions vidange viennent jeter leurs affaires là. Et tous les pauvres vivent là-dedans parce que, écoute, ce qui tombe d'en haut, là, ce qui tombe du ciel, il y a de la nourriture là-dedans, il y a des canages, il y a tout ce qu'il faut, des souliers, du linge, des bobettes, tout. Mais c'est un coup, ça, tu t'en vas à la Cité du Soleil, puis... Oui, ils appellent ça de même, là. Le monde sont aveuglés, ils ne voient rien rendu là. Bon. Alors, les culs de jatte, les pas de jatte du tout, en tout cas, il y a du monde là-dedans, là, c'est une vraie farce, c'est écœurant. C'est de la misère à différencier l'humain des détritus souvent, puis c'est sérieux. Imaginons que nous, on se retrouve là-dedans. Bon. Mais si on est des êtres intelligents, c'est pas long qu'on va commencer à faire du ménage, au moins où on est. Parce que les petites planches de bois qui traversent le paquet d'immondices, à un moment donné, on va se ramasser des chaudières. Écoute, on va en tosser un peu. On est pogné dans le trou de marbre, là. C'est grand. On peut vivre là-dedans plusieurs centaines d'années, là. Ils peuvent en mettre du stock. Nous, on va faire un trou. On va faire un espace, ça pue, on va s'habituer. Mais même là, on va faire un espace, on va s'arranger pour purifier le maximum le contour. Même si on est mal pris, si on est des êtres intelligents, on va s'arranger pour mettre de l'ordre, faire du ménage. Mais ça ressemble à ça maintenant, ce qui se passe maintenant, là. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont commencé à tasser des choses, oui. Puis il y en a d'autres qui regardent. C'est ça. Mais il y en a, c'est justement. Ceux qui ne sont pas intelligents, eux autres, ils se disent, « Oui, mais on n'a rien pour faire du ménage. » N'importe où sur la terre, vous n'aurez rien fait du ménage. J'ai été dans la jungle, il y a des tribus. Eux autres qui font, c'est qu'à l'année longue, là, ils vivent sur des pilotis, sur le bord de l'Amazonie, puis sur les berges. Puis tout ce qu'ils ont fini quand ils ont mangé, ils jettent ça par une trappe. Puis quand ils vont aux toilettes, ben ils ouvrent la trappe. Ils jettent ça là aussi. Puis là, ça se ramasse pendant un an. Il fait chaud là-dedans. Il fait souvent 30, 38 à l'ombre. Alors, ça se ramasse, ça fermente, il y a des gaz. Tout ce qu'il faut, c'est bref. Puis là, ça fait des montagnes en dessous des maisons. Puis on, à 20 km de là, sous le vent, on sent la ville. Oui, c'est une ville, du coup. C'est un attroupement de cabane. On sent. Alors, on ne peut pas se perdre dans le jeu. Quand on voyage sous le vent, évidemment. Et puis, une fois par année, le fleuve Amazon, il y a une crue des eaux, ça lave. Ça ramasse les berges, ça lave tout ça au complet. Puis là, ça amène ça pendant des centaines de milliers de kilomètres, enfin des centaines de kilomètres, en tout cas, même des milliers de kilomètres, jusqu'à l'océan, le bord du Brésil, puis tous les peuples qui sont en arrière de ça se nourrissent de ce taux-là. Bon. Et puis, ah, c'est intéressant. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont dans la jungle. Ils ont tout ce qu'il faut pour mettre de l'ordre. Ils ne mettent pas d'ordre. Il y a d'autres tribus qui vivent dans la jungle qui sont propres. Il n'y a pas une pelure de banane, il n'y a pas une pelure de papaya, il n'y a rien qui traîne. Tu peux marcher nu-pied, puis c'est pas gênant. Dans cette place-là, eux autres, ils n'ont pas besoin de souliers, il y en a des permanents en dessous. C'est de la croûte, là, puis c'est collé, il y a des biches en moi là-dessus, c'est pas mal bon. La propreté, c'est pas une question d'endroit où ce que tu te trouves. C'est une question d'attitude. Mais c'est la même chose pour l'être humain dans son corps physique. Il se dit, là, j'ai 55 ans, il est trop tard. J'ai 40 ans, il est trop tard. J'ai 35 ans, il est trop tard. J'ai 20 ans, il est trop tard. C'est une question d'attitude. Il y a tellement de choses qui peuvent changer quand l'humain s'y met. Il ne faut pas attendre. Tout le monde, il est trop tard. Puis même quand il y a l'intention honnête de s'y mettre, oui. Déjà, ça change. C'est déjà un changement. Après ça, tu es manipulé à ne pas le faire, tu es déjà en train de muter. Si tu veux le faire, si tu ne te donnes pas des raisons, ah oui, mais là, pas à mon âge, ah, pas l'hiver, ah, pas ça, faut que tu te dises pas à mon âge, mais c'est niaiseux en maudit. Reste manipulé, mais observe que c'est pas ça. De pas te donner raison à l'astral. Non, mais tu es déjà prêt à avoir un corps jeune. Tu es déjà prêt. Parce qu'au moins, tu es déjà dans une naissance à le faire. Puis progressivement, vas-y. Puis entretiens-le, mais hein, oui, mais tu sais, moi, j'ai déjà eu un problème au genou, puis raison de plus, renforce ton genou. Parce qu'en ne donnant pas raison à l'astral, au moins, on n'est pas l'allié de l'astral. Exact. En plus, on cesse de nourrir un égrégore perpétuel de décadence humaine. Puis à un moment donné, il y a des individus qui vont de toute façon se ramasser dans un écosystème plus limité. Bien, ils ne recréeront pas les égrégores en haut. Il faut que ça commence immédiatement. Pas dans le résultat là. Il faut que ça commence immédiatement. Dans la vie, dans l'intelligence. Puis ça, l'humain a tout ce qu'il faut pour ça, mais il faut que l'humain se prenne en main, que l'humain se grouille. Pas parce que c'est pressant. Parce qu'il faut qu'il commence. Il faut accepter aussi de ne pas être nécessairement les premiers rendus dans l'écosystème. Non, il ne faut pas non plus se contenter d'être les derniers. En plus, c'est-à-dire que c'est pas une question d'ordre. Puis que, de toute façon, avec la synergie, même si on n'est pas les premiers rendus, on va bénéficier. C'est que l'être humain doit être capable de vivre. Je le fais parce que c'est logique. Je le fais parce que c'est intelligent. C'est esthétique. Je le fais parce que c'est comme ça. Quand tu te fais ramasser parce que tu es encore un être humain avec des mémoires humaines, bien... C'est tout. Je me suis fait ramasser, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou j'ai bouffé cela, puis c'est tout. C'est relax. Mais ça change. Je change. Ce n'est pas moi. Par exemple, le gars et la fille qui sont obligés d'avoir une relation sexuelle une fois par jour. À un moment donné, le gars et la fille se disent chacun, tu sais, on a une relation sexuelle tous les jours. Je ne suis pas sûr qu'on fait l'amour. Je pense qu'on se fait violer toutes les deux. Une fois par jour. C'est pas tu me violes puis je te viole. On se fait violer. On se fait ramasser nos corps physiques pour une relation sexuelle. Mais toi et moi, c'est pas ça qu'on veut vivre. Et à un moment donné, j'en ai ras-le-bol. C'est pas ça qu'on veut vivre. Et à un moment donné, on recommence, on s'amourache, on s'immélène, on est dans une relation sexuelle, puis on arrête. On s'est encore fait violer. Puis c'est tout. Bon, c'est tout. Je pars pas en chasse aux fantômes. Tu le constates. Il y a des entités, il y a des noms que tu peux apprendre à connaître, à prononcer pour éliminer, mais tu t'es fait violer. Mais là, tu commences à conscientiser que c'est pas toi l'animal. Et tu ne culpabilises pas de passer par là. C'est sa planète. Non, parce que c'est vraiment jouer leur jeu de commencer à se culpabiliser. Bien, ça, c'est un jeu pour t'empêcher de continuer de conscientiser. C'est pour brûler tes énergies, mais c'est pas toi. Alors, tu manges des cochonneries. C'est ça, manger, on comprend l'idée, on comprend, on s'est fait avoir à soir. Oui, c'est vrai, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Puis, admettons qu'on réussit quelque chose à 70 % de ne pas se crucifier avec le 30 %. Ben, ça aussi, c'est... Même si tu réussis à 30 % crucifie-toi pas avec le 70. Même si tu réussis pas du tout. De... Ben, c'est exactement. Parce que... L'important, c'est que va là. Comme tout à l'heure, on disait, on envoie quelqu'un dans une école, on le finance, il se fait ramasser par la société extérieure. On en envoie un là. On se dit pas, ah, il n'y a rien à faire. On en envoie un là. Se fait ramasser. On va gagner un moment donné. C'est la même chose. T'essayes. Continue à savoir que les conneries que tu fais, c'est des conneries, c'est pas toi. C'est tout. Quel que soit ton âge. Puis, oui, marche un peu plus, saute de temps en temps. Il y en a ici, là, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas sauté un petit peu sur place? Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas grouillé un petit peu, le courir, puis sauter une clôture, une petite haie, une roche, une petite rivière? Combien d'années qu'ils n'ont pas fait un petit saut? Il y en a, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas roulé à terre un petit peu, là? C'est pas correct! C'est pas correct! S'amuser! Jouer! Il y en a, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas joué, là? Jouer et jouer! Pas juste dans un plan! Mais à un moment donné, il faut que la personne elle, se dise, c'est vrai, merde, c'est pas ça. Il faut accepter d'être maladroit aussi, parce que la personne qui ça fait 30 ans, 40 ans, qui n'a pas joué... Elle commence. Ben, les premiers elle temps. Elle saute un petit ruisseau. Elle rentre chez elle, se changer après. Elle est tout mouillée. Elle est tombée dans le ruisseau, OK. Mais c'est pas correct. Des petites choses. Ben, c'est tout le temps des petites choses. Mais combien d'années vous n'êtes pas roulé dans la neige? Vous laissez tomber dans un banc de neige. Paf! Puis là, après ça, t'appelles au secours. Viens me chercher! T'es tombé de la face la première, tu respires plus. Bon, ben là, écoute bien. Non, mais sur le dos, tu restes avec la calette d'air, t'es trop gros, puis il fait trop longtemps que t'es pas... Tout le monde passe à côté. Ouais, ici, c'est ce qui arriverait, là. Non, mais tu fais même un petit 10$ avant, tu sais. Je te donne 10$, tu me sors de là. Ah, ils vont te sortir de là. Ouais. Mais non, faut que tu l'ailles dans la bouche, parce que si tu dis ça, ils te croiront dans pas. La bouche, ils vont te l'ôter. Ils te mettent poche en arrière. Il faut moi qu'ils te sortent. Mais combien, tu sais, il fait combien d'années? J'ai juste pensé, regardez, il fait combien d'années qu'on ne s'est pas tiroyé et se chatouiller un petit peu? Puis, oh, moi, j'aime pas ça. Non, puis t'aimes pas ça courir, puis t'aimes pas ça sauter. Ah, oh, moi, je suis pas de même. T'sais, moi, je comprends ceux qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime m'asseoir puis moi, parler. Moi, ce que j'aime, c'est ça. Moi, c'est m'asseoir, là, puis regarder mes cellules vieillir. Moi, j'aime ça. Ça! Non, moi, on peut tout pareil. Moi, chacun ses goûts. Ah, je comprends. Moi, ceux qui aiment jouer au ping-pong, tu sais, puis courir après moi, une petite balle, tu sais, puis venir au Benoît Kimono, puis se pencher, puis ramasser, c'est ça. Je comprends ça. Mais moi, là, chacun sa vie. Moi, je suis jeune de cœur, mais pas de corps. Ouais, c'est ça. Moi, je suis jeune de cœur, ça. J'ai jamais entendu un jeune dire ça, moi, je suis jeune de cœur. Il y a des vieux qui disent ça. Puis ça, c'est important de comprendre, c'est pas vrai, t'as un corps de chair, tu sais, il faut le courir, marcher un petit peu. Ah, oh, moi, je marche, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je change de trottoir souvent, tu sais, fait que ça me fait une petite montée, une petite descente, une petite montée. Alors, il y en a maintenant, ils sont contents, ils ont fait des descentes pour les handicapés. Ça leur fait une marche de moins, montée, pas descente. Non, mais des fois, ils sont l'équilibre, il faut qu'ils gardent leur équilibre. Puis, comment on peut comprendre et accepter ce genre de mécanique? Non, mais c'est l'affaire, c'est qu'il y en a qui tiennent ce discours-là, puis en même temps, ils veulent fusionner. Ça fonctionne pas. Non, mais ils vont se réunir, puis ils vont se parler. Même handicapé, il va fusionner. Si dans sa tête, il n'est pas de même. C'est important, c'est pas l'athlète olympique qui va passer à travers, là, qui va passer dans l'air nouvelle ou qui va fusionner. C'est celui qui, dans sa tête, améliore et entretient les choses. Celui qui, dans sa tête, intelligencie les choses. Simplement. Je ne peux pas. Veux-tu? Oui. Ben, Christy, tu sais, t'es déjà 95 % traversé. Bon, tu fais des efforts de temps en temps, tu recommences à faire des petits exercices, un petit peu de bicyclette, tu perds l'équilibre, tu achètes un bicycle à quatre roues, t'as peur à six roues, coûte maison. Puis là, tu sais, ouais, mais là, je passe pour eux. Mais toutes les tondeuses en arrière, ils vont penser que tu coupes le garçon. Non, c'est camouflé un petit peu. Fais-en. Mais c'est parce que ça, faut que les gens deviennent sensibles à l'énergie, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas le faire, mais qui veut le faire, n'a pas du tout le même taux vibratoire puis la même que quelqu'un qui foire. Voilà l'exemple d'un handicapé au niveau des jambes, puis qui joue avec sa chaise roulante, puis qui joue au ballon. Tu regardes ça à la télévision, mais toi, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais tu sais, mais pauvre type, tu sais, il est-tu dans l'illusion? Il ne se rend pas compte qu'il a beau pousser sa chaise, il a quand même pas de jambes. Il n'aura pas plus de jambes. C'est un athlète. Un athlète, c'est pas ça, un athlète. Ben oui, c'est un athlète, le mec. Il est dans sa chaise, il monte ses marches, s'en va. C'est pas une question de jambes, c'est une question de tête. Le prochain corps physique qu'il va avoir, lui, là, il est dans une chaise roulante, puis il entretient ses muscles, il entretient son cœur, il entretient son corps. Il n'y a pas l'information pour le savoir, là, mais c'est l'attitude qu'il faut avoir. Bon, c'est vraiment pas une question de savoir si tu l'as ou tu ne l'as pas. J'ai été visiter le rocher percé à un moment donné, puis il y avait des madames. On marche sur le bord, là, et quand la marée se retire un peu, on peut atteindre le rocher percé à pied. Puis quand on arrive là, près du rocher percé, c'est une roche en ça, là, puis il y a un grand trou dedans, parce qu'apparemment, à un moment donné, il y a un marin là, qui est parti sur le moteur trop vite, puis en tout cas. Puis, à ceux qui t'ont compté? En fait, il y a un trou dedans. Non, mais ce qui arrive, c'est que tu as des dames qui sont là avec leur jupe, là, leurs souliers à talons hauts dans la roche, puis sable, le gravier, là. Ils sont tous là avec les appareils photo. Une même une est tombée dans l'eau, pouf, jusque-là, elle s'est allée avec son appareil photo. Elle dit, ah, je sais pas, j'aurais dû l'amener. C'est trop salé, imaginez-vous l'appareil photo. Puis avec le soulier de l'eau, on parle d'être conscient. Mesdames, marchez-vous souvent avec des souliers autres que des souliers à talons hauts. C'est pas une question, là, d'encore attaquer le principe même du décorum de la femme. Je parle de principe biologique. Dans les films, par exemple, on voit une femme qui est en talon haut, qui est belle habillée. Là, il y a un tueur qui court après elle, puis elle s'en va, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et m'amener, là, ça veut survivre, elle ont tous ses maudits souliers. Là, elle peut courir. Elle est silencieuse, puis elle avance. Elle a deux armes. Ben oui. Se servir de son corps, tu sais, c'est rajeunir. À 8 ans, aviez-vous des souliers à talons hauts? Non, le problème, on va accepter. Il y en a qui en avaient, je le sais, là. Il y en a une de mes cousines, elle se maquillait avec des crétires. Je ne sais pas s'ils avaient fait ça, vous autres aussi, là. Moi, j'ai une petite nièce, elle apportait des serviettes sanitaires. À 6 ans, à peu près. Elle apportait des couches jusqu'à 5 ans, des serviettes sanitaires à partir de là. Puis un soutien-gorge aussi. Mais là, peut-être qu'elle n'en porte plus, là. Ah, pauvre humain. C'est ça, c'est... Mais là, c'est parce que tu parles, puis en même temps, c'est que faut faire ça, mais il faut pas fournir d'efforts. Il faut pas que ce soit méritoire, faut que ce soit plaisant. C'est ça. Il faut pas fournir d'efforts en ce sens que tu n'as pas à te battre contre une entité astrale qui veut te faire engouffrer une cochonnerie, par exemple. Mais tu ne dois pas accréditer l'entité astrale. Il veut que pas tu gagnes. C'est sûr que de temps en temps, tu vas arriver et non, j'en veux pas. Puis maudit que ça serait bon, puis que ça a l'air bon, puis on va y donner. Puis... Mais là, tu t'apportes un point important parce qu'il y en a plusieurs qui voient ça comme bon, ils viennent pour manger du chocolat, puis ah, mon maudit, puis après ça, il se passe d'autres choses. Ah, tu sais, ils sont tout le temps portés. Oh, c'est astral! Puis qu'ils conçoivent l'évolution comme ça. C'est tellement pas ça, c'est... Puis là, ils s'en vont se coucher, puis ils rêvent, puis là, ils se sont battus encore une fois, puis ils ont anéanti la grosse bébite, ils se réveillent, puis... Tu sais, c'est... Il leur manque un bras. Alors que... Puis il y en a pour plusieurs, ça semble être très difficile de se dire, faut plus que je fume, faut plus que je mange de cochonneries, faut que je fasse d'exercice, faut que je sois intelligent, faut plus que je sédatise, et tout ça sans effort. Mais c'est ça! Ben oui, mais c'est pas évident. C'est pas une question d'être évident, c'est une question que c'est ça. Puis là, toi, tu dis, une des manières d'y arriver, c'est de ne pas accréditer l'astral. Bien, c'est évident. La conscientisation, ça se fait sans souffrance. Les luttes, quand tu luttes contre une entité, quand je parle d'une lutte émotive contre une entité, tu nourris le reste des entités. Fait qu'à chaque fois qu'on est en lutte émotive, on n'est pas dedans. Mais non! Ils seront plus garochés. Qui? Ben, les gens qui sont habitués de lutter. Oh, plus je suis en lutte, faut plus que je lutte. Ils vont se mettre à lutter contre... Observe, je l'ai dit depuis tout le temps. Tu n'as qu'à observer, puis regarde-les, mais intelligencie. Es-tu brillant? Non. Pourquoi tu le fais quand même? Parce que je suis possédé. Là, t'arrêtes pas là. Mais veux-tu être possédé? Mais là, oui, là. Mais quand je vais l'avoir à manger, là, je voudrais plus. mais là, oui. Là, je veux être possédé, là. J'aimerais ça le manger. Bon. Mais continue à parler. Je peux-tu? Mais là, en dedans, il y a un paquet de personnes qui te disent non! Ça, c'est toi dans l'avenir, c'est toi dans le passé, c'est toi en santé. Puis là, une petite bouchée. Puis là, ça te dit, si t'en prends une, t'as le bouffon complet. Puis là, tu te dis, ben, c'est ça que je veux. Là, mais, c'est pas en dialogue de même, là. Ah, des fois, ça ressemble à ça. Oui, mais ça, c'est amusant. Mm-hmm. Moi, ça m'arrive souvent d'être en dialogue de même. Mm-hmm. Mais pas oralement, là, je m'amuse. Puis c'est pas long que souvent, ça va arriver que je ne veux pas. Mais il y a tellement de choses faciles. Dernièrement, je disais au Spé Genesis, une des choses que l'humain doit faire pour aller ramasser son énergie, ça va être, je veux pas. Mais je veux pas le manger. Fait que, donnez-moi donc, puis quand tu donnez-moi donc, là, c'est toutes les toits, ça. Donnez-moi donc l'énergie pour que j'aie plus de goût. Je veux pas lutter contre la maudite cochonnerie. Je veux ne plus avoir le goût d'en manger. C'est ça que je veux. Je veux pas lutter contre, puis je veux pas me contrôler contre, je veux ne plus avoir le goût. Là, tu passes devant les muffins pleins de sucre, puis regarde, là, il se passe rien chez toi, là, tu sais, t'as rien. Rien. Rien. Là, tu t'en vas. T'en achètes pas. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'égoïquement, les gens veulent encore avoir le goût. Bien, je connais du monde, moi, qui... ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, on mange plus de cochonneries. Là, ils prennent le téléphone, ils appellent un deux amis, puis tu venais souper à soir. Puis là, ils disent, ah, oh, que j'aime les. Pas de faire, clic. Moi, c'est vrai, il boit du 7-Up, lui. Moi, il dit, moi, fais le chocolat. Il part en courant, ça va s'en acheter plein. Pour l'autre. Puis là, l'autre, il mange pas tout, il boit pas tout de 7-Up. C'est ça, il a acheté deux fois plus. Là, ben là, c'est là. Faut bien que tu le prennes. C'est rusé, l'humain. Pour les autres. Puis, reste relax. Vous allez en faire des cochonneries. Vous allez en faire des conneries. C'est pas vous autres qui les faites. Votre corps va en faire. On va encore vous en faire faire. Mais soyez pas d'accord. Soyez conscient. Soyez vivant. Suivez-vous. Pardonnez-vous, c'est pas vous autres qui le faites, mais c'est tellement banal. Sauf, je sais que ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'il y a du monde qui... Ah, ben, je suis manipulé, c'est pas ma faute. Manche au complet. Je te dis, ah, ben, c'était pas intelligent. Mais ça, c'est du snobé, ça. Ben, il serait une liste 4-5, là. Oh, on est charrié. C'est ça, on est charrié. On veut faire voir. Hé, hey, t'es plus charrié que nous autres, toi. C'est simple. Simple, puis on va encore en reparler en masse de fois, évidemment. Les personnes qui ne font pas partie du groupe Genesis, je vous réitère l'invitation. C'est très synergisant, très utile, très utilisable du point de vue de la quantité d'énergie qu'on amasse. En plus, c'est agréable. Si ça vous intéresse, vous savez quoi faire, vous informer auprès de l'académie. Salut tout le monde.